Nous vous présentons ce soir à l'Olympia Jean-Pierre. Marcel, Jean-Pierre, Balthazar, Miramont. Pardonnez-moi, le spectacle est terminé. La nomenclature de ce nom et de son prénom était trop long. Alors revenez la semaine prochaine. C'est vrai, c'est un peu long. Mais là, Marcel Amont, ça punch. Parce qu'il n'y a eu que des montées pour Marcel Amont. Que des montées. Il est né le 1er avril. Merci, arrêtez. On est en communication. Oui, attendez. Communication, OK. Alors, le problème technique, mais on aime ça comme ça. Né le 1er avril 1929. Ah, ben c'est mon père aussi est né en 29. C'est sa fête aujourd'hui, le 31 août. Bonne fête, papa. Il s'en rend pas compte. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est décédé. Mais, petite pensée, les ondes radiophoniques, on sait pas. Même si j'y crois pas, je crois pas à grand-chose. Sauf à l'errance rénaldienne. OK, Marcel Amont. 1929 à Bordeaux. Avez-vous amené le Bordeaux, monsieur Amont? Vous l'avez oublié? Bon, OK. C'est un chanteur et acteur français qui connut un succès considérable durant les années 60-70. En 56, il sort son premier disque et, la même année, fait la première partie des concerts d'Édith Piaf. Ben oui. Et je tiens à vous dire que nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 août 2012. Hein. Alors, en 62, il se produit 100 jours de suite à Bobino. Il crée plusieurs chansons signées par Claude Nougaro, alors inconnu. Nougaro n'était pas, à cette époque-là, le Nougaro de Cécile, ma fille. Il n'était pas encore ce Nougaro-là. Et donc, connu un succès considérable en 1956, il sort le premier disque et la même année fait la première partie des concerts d'Édith Piaf. En 1962, il se produit 100 jours de suite à Bobino. Il crée plusieurs chansons signées par Claude Nougaro, alors inconnu. Le balayeur du roi, Porte-plume, le tango des jumeaux, le jazz et la java qui a été repris par Claude Nougaro. Quand le jazz est, là. La java s'en va, c'est celle-là. En 70, il se produit à l'Olympia dans un vrai one-man show avec des danseuses cascadeuses. Non, c'est pas ça, c'est des danseuses, cascades, écrans géants, etc. Le succès est tel que le spectacle est prolongé de 2 semaines du jamais vu à l'Olympia. Un producteur américain lui fera une offre, la BBC, le réclame, mais il est obligé de décliner l'offre, malheureusement, oui. Car il prépare une comédie musicale. À partir des années 80, il est un peu plus tranquille dans les médias. On ne le voit plus à la télévision et les radios ne passent plus ses chansons. Marcel Amont se réfugie alors dans l'écriture et publie de nombreux ouvrages sur la chanson avant d'écrire son autobiographie sur le boulevard du temps qui passe que vous pouvez vous procurer à Québec. Il n'y a aucun problème à la librairie. Là, il y a quelque chose qui m'énerve. OK, voilà. Marcel, c'était côté auditif. Je vais baisser le son. Marcel Amont, bon, OK. En 2010, il écrit une chanson sur Alain Delon où l'on entend la voix d'Emma Domas. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet illustre créateur. Et là, je tiens à vous dire que nous avions une rencontre, lui puis moi, au Café Vavin, à Paris. Donc, j'étais assis. Je me préparais à commander. Je choisis la liste des vins. Oui, mais c'est... C'est quoi? C'est cette liste-là. Oui, attendez, je vais choisir. Et là, je vois-tu pas arriver au loin, Monsieur Amont. Je me dirige vers lui en disant, « Oh, bonjour, comment ça va? Ah, c'est vous, le Québécois? » Oui, ben bon, on se prononce, on s'annonce, on s'embrasse, on serre la pince, on discute. Et là, il me dit, « Je dois quitter cet endroit puisque ma voiture n'est pas bien stationnée. » Je dis, « Je vous suis. » On se rend là-bas, il n'y avait pas de billet de stationnement, donc il est arrivé quelque chose que vous connaîtrez dans quelques minutes. La chanson que vous entendrez, mademoiselle, mesdames, madame, malheureusement un peu difficile à diffuser à la radio, mais soyez compréhensibles, ça ne dure que 2 minutes et demie, c'est Monsieur Amont. Hein? On s'offre tout, même un petit problème sonore, pour 2 minutes. Écoutez, c'est rigolo, c'est intéressant, c'est brillant. C'est Marcel Amont. Ce matin, l'agence Brown a écrit pour me proposer un contrat mirobolant à Chicago dans un cabaret, dans une revue nue pour jouer le rôle muet de Ben Hur, avec un voyage aller, 6 mois de job et du plus sûr. Mr. Brown, il a pas l'air dans sa petite tête d'impresario de se douter que je suis tombé sur le filon de l'Eldorado. Dans ses blesses, c'est moi qui passe avant l'entracte tous les soirs. Et pour peu que ça continue, d'ici 3 ans, je serai star. Dans tout le Kansas, je suis le roi. Tiddle-lady, j'ai fait mon choix. Faut me voir passer dans ma bagnole, peint en rouge avec palito dessus. Les enfants m'aiment bien, les parents rigolent, et jusqu'aux flics qui me saluent, je suis presque la vedette. Les girls me font les yeux doux. Non, Mr. Brown, je regrette. Thank you very much, thank you. Go, money. Blow, blow, man. All right. This guy sends me. Dans tout le Kansas, je suis le roi. J'ai fait mon choix. Oh, quel tabac quand je sors de scène, et que c'est archi bourré le samedi. Pas étonnant, pendant la semaine, les commerçants me font crédit. Je suis presque la vedette, les girls me font les yeux doux. Non, Mr. Brown, je regrette. Thank you very much, thank you. Well, charm, Mr. Brown, sans rancune. Dans le Kansas, je suis l'idole. Bientôt, j'aurai la fortune et la croix comme les Beatles. Yeah, here, I'll leave this place. Mais non, non, non, j'ai pris la voiture de Mathias, finalement. Et je suis en train de faire l'interview avec M. Gagné dans la voiture de Mathias. Voilà, très bien, mes chéris. Allez, voilà. Écoutez, c'est le gag aujourd'hui. J'arrive là-bas. Oui. J'arrive là-bas pour mettre pareil, hein, pas de, avec carte ou rien. Ok. Hein. Et le monsieur qui est devant moi, je vois, il fait son truc. Et je vois qu'il ne prend pas son ticket. J'ai dit, monsieur, civique quand même. Oh, ben oui. Mais, oui. Ah, d'ailleurs, ne m'appelle-t-on pas Amon le civique? Oh, oui, oui. Et alors, depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui. Et je dis, vous avez... Et il regarde et il me dit, non, j'ai déjà, il a donné 2 tickets. Il me dit, ben, merci, monsieur. Ce qui fait que je vais stationner gratos. Est-ce qu'on peut faire l'entrevue ici? Eh bien, faisons-le. OK, tout est là. Allez, banco. Avez-vous trop chaud? Est-ce que vous vous sentez non, à l'aise? Je vais mettre à poil, vous en faites pas. Non, non, non, c'est ça, à la radio, ça paraît toujours mieux. Non, mais c'est drôle. Ouais. Ben... Alors, pour parler d'accent, c'est drôle. Moi, j'adore les accents. Okay. Parce que si je vous imite l'accent de mon père, pour dire, j'ai les nerfs en pelote, mon père disait, j'ai les nerfs en pelote. Oui, c'est alors, alors, quand les je me moquais de notre accent, je dis, moi, je me moque de notre accent. Je me moque pas de notre accent du tout. On vient de loin avec nos accents. C'est ce qui nous différencie. Caractérise. Non, mais il faut dire quand même... Bon, puis après, on parlera d'autre chose que des accents. Il y a eu, non pas un complexe, mais si un complexe, mais que je comprends très bien, parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, il y a quand même des gens qui m'ont dit, il y a un type sympa, il ne cherchait pas à me nuire, il me dit, ainsi, jeune homme, vous venez à Paris pour tenter votre chance. Commencez par vous débarrasser de cet accent ridicule. Il y avait un accent parisien qu'il fallait garder un peu comme... Tandis que maintenant, Cabrel, moi, je l'aime à mourir, mourir. Mais à l'époque, c'était... Il fallait pas de régionalisme. C'est-à-dire, si, pour rigoler, pour les revues marseillaises, tout ça. Mais chanter des chansons d'amour sérieuses... Ça collait pas. Ça collait pas. Et c'est quand même dommage. Et ben maintenant, ils y sont revenus quand même. Oui, parce que les gens veulent entendre autre chose. Ben voilà. Moi, j'adore l'accent québécois. Les accents, d'ailleurs, en général. L'accent belge me fait plaisir. Les belges, oui, les pauvres. Oui, mais c'est les newfies du Québec. Hein. Nous, les blagues, au lieu de dire c'est l'histoire d'un Belge, on dit c'est l'histoire d'un newfie. Donc, c'est les newfies, c'est les gens de Terre-Neuve. Ah bon? Les gens de Terre-Neuve, ouais. C'est nos Belges à nous. Donc, c'est des histoires de Newfie. Enfin, voilà. C'est des histoires de Belges. Alors, bon. Coluche se serait amusé à parler de nos Newfie à nous. Donc, Mais c'est-à-dire que c'est dû à l'ignorance de la géographie des Français, elle qui est assez générale. Moi, quand je suis arrivé en 50, je suis arrivé en Belgique, on faisait Bruxelles, Liège, Anvers et Gand. C'est-à-dire on faisait pays wallon et pays flamand. Et ils étaient déjà à se moquer les uns des autres, les flamands et les wallons. On arrivait à Bruxelles, toutes les histoires où des types sont complètement cons, c'était des flamands. Bon, nous on n'était pas partie prenante, on était français, on arrivait à Anvers. Écoute une fois le français ici, je te raconte une histoire. Et tous les contes, c'était les wallons. Et Coluche et sa bande sont arrivés, ils ont dit, bon écoutez, mettons tout ça dans le même sac, et c'est des histoires belges. Et voilà, c'est ça. Revenons avec un seul groupe de personnages et les Belges. Voilà, parce que c'est pas vieux les histoires belges. Ça date des années 63-64. La bande à Coluche. Coluche qui était au sommet de sa popularité. Ouais. Histoire belge. Alors, moi, ce qui m'amusait beaucoup, moi qui suis resté très provincial quand même, non pas que Paris m'ait si mal traité, Paris m'a plutôt bien traité, hein, mais je voyais des connards de pezzouilles de chez moi qui se payaient la gueule de type parce qu'il y avait une immatriculation belge. Je me disais, peut-être le type, il est professeur de médecine et tout. On ne sait jamais. Faut jamais juger les gens parce que des fois, on tombe de haut. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elles attendent depuis que je suis né. L'Amérique, l'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Laissez les trains, laissez le bateau, qui vont chanter sans voix la chanson de l'Eldorado. De l'Amérique, l'Amérique, mes amis, je vous dis adieu. Je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je l'ai dans les yeux. Que l'Amérique, l'Amérique, je reviendrai, je ne sais pas quand. Cousu d'ongles et brodé d'argent, sans un sou mais plus riche qu'avant. De l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Par les sirènes de l'eau, par les sirènes de l'eau, ils vont chanter sans voix la chanson de l'eau. De l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. L'Amérique. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Je reviens, je ne sais pas quand, dans une autre bouée d'argent. Regarde-moi si je lis dans les yeux. De l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir. Hein? Ouais? Ok. J'ai joué trop longtemps. J'ai gagné votre passeport. Oui, oui, oui. Attends. J'ai le masque. À part, chez moi, je suis très âgé. Oui. Je suis pas comme les autres, moi, là. J'ai jamais voulu être comme les autres, monsieur. Donc, je suis à part. Mais passé à part, dans quelle rangée? Il y a trois rangées. Là, quand je suis arrivé, je suis sorti de l'avion. Par le hublot. Par le hublot de son château, Bozo. voyait entrer ses invités poudrés. Ben oui, ben oui, on va vous le montrer. Attendez, voilà, là. J'ai mon chéquier, si je vous fais quelques zéros en avant de... Allez-vous me... Hein? Ça rigole pas, là. C'est... non, douanier très... Pourquoi vous avez pas... Hey, monsieur, j'ai juste deux petites questions. Moi-même, personnellement, à vous poser. Je sais que... Non, mais... Ouais, c'est l'inverse. C'est vous qui me... Ouais. Pourquoi vous avez pas été militaire? Vous avez un petit côté militaire, vous, hein? Passeport, hein? Vous avez juste une idée, vous, hein? Depuis le début, là, vous me lâchez pas avec ça. J'ai gagné votre passeport. Ben, c'est ça. Je vais pas vous le montrer, moi, le passeport. Je ne veux pas! Je m'insurge! Gardez-moi dans le front, là. J'ai mon carré passeport, là. Je sais, c'est pas la mode, là. La mode, c'est le carré rouge. Moi, c'est le carré passeport. Regarde-moi ce carré passeport. Je suis de gauche, moi, là. Gauche. C'est pas gauche-droite, c'est gauche. Je tourne en rond, mais vers la gauche. Au moins, je vais jamais rencontrer les gens qui sont à droite. Moi, c'est gauche. On est heureux, hein? On est libre. On marche à la gauche. Ah, à gauche, on est libre. On est à droite, c'est à droite. C'est des imbéciles à droite, hein? Ah, c'est... Hein? Les deux solitudes. La gauche et la droite. Les gens qui me disent, oh, moi, je suis du centre. Ben oui. Quand tu joues au boule, à pétanque, le cochonnet, tu le tires ton cochonnet. T'essayes d'être dessus, là. Dans le centre. Ben ouais. C'est le but. La vie n'est pas la pétanque, de la pétanque. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Je ne vais jamais jamais. Marcel Amont. Hey, on a fait tout ça dans la voiture. Il faisait chaud. Le soleil plombait. Sous le soleil, exactement. on est-tu le 11 septembre, M. Hamon? On dirait que j'ai planté un chêne au creux de mon champ. C'était ma semaine, perdrais-je ma peine? J'ai planté un chêne au creux de mon champ. Marcel Hamon a rencontré Jules Vigneault. Ça va lui faire plaisir. Perdrais-je ma peine? C'est mon trémolo, monsieur. Ouais. Il devrait me montrer à chanter ce personnage, ce grand chanteur que j'adore, qui est Marcel Hamon. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous marchons depuis 40 minutes, pas à pas, mais tellement bien. Je vous demande quelque chose cette semaine-là. C'est rien de dangereux, là. Vous allez pas vous mettre en danger. C'est juste pour le plaisir d'observer. Êtes-vous des observateurs, madame? Ah, toujours. Vous observez quoi? Mon mari. Oh, parce qu'il est? Il est frivole. Frivole. Il tourne partout. Oh, comme la feuille d'automne. Ouais, mais c'est pas l'automne, là, c'est la fin de l'été. Oh! Les bikinis l'ont excité. Les bikinis l'ont excité. Très excité. Et vous, en bikini? Ah non, jamais de bikini. Pourquoi? Oui, j'ai de la culotte de cheval. Qui? La culotte de cheval. La culotte de cheval? De cheval. Ah, bon, indomptée. OK, sauvage. Culotte sauvage, moi. J'ai des problèmes, moi, au niveau des jambes. Oui. J'ai la jambe qui fuit. OK, les veines fuyantes. Des vergetures. Des vergetures. Vergetures. À votre âge? Ah oui. Non, vous avez à peine 20 ans. Oh, monsieur Gagné, vous êtes charmant. Non, mais vous avez quoi, 22, 23? Ben oui, j'ai 63 ans. 63 ans? Vous les faites pas? Je pensais que vous aviez 23 ans. Oh, monsieur Gagné, arrêtez de me jouer avec les joues, là, s'il vous plaît. Monsieur Gagné, vous êtes bien gentil. Lâchez-moi la joue. Raymond, veux-tu l'arrêter? Je pense qu'elle est dans un choc chronique, là. Là, ça fait pas des bonnes émissions. En fait, ça fait d'un son étrange. Les gens vont tenter de capter autre chose. Ils vont se dire qu'est-ce qui se passe. Donc, merci, madame. Oui, je vous dis que... Ben oui, je vous dis, vous êtes tellement jeune. Oh, mon Dieu. Vous vous êtes refait le cheveu aussi? Non, pas encore. Écoutez, si vous voulez repeindre la surface, le sommet... Oui, oui. C'est bien dit, hein? Oui, mais vous êtes peintre, oui. Non, je ne suis pas peintre, moi. Pas peintre. Mais en fait, je dépeins la société. Je dépeins l'idiotie que l'on arbore depuis tant d'années. Je dépeins la débilité humaine, oui. Et puis là, moi, je suis en dessous des bras, je suis très humaine. Ah, oh, je suis humain. Il fait chaud. Fait beau. Il fait errant. Bon, il est temps de passer à l'absurde aventure de l'errance rénaldienne, car nous marchons ensemble. On déchire. Ah! Beaucoup de gens que j'ai rencontrés là-bas m'ont dit « L'émission déchire! » Ah, mon Dieu! Je pensais que c'était mon jeans. J'ai porté, pendant mon voyage là-bas, un vieux jeans. J'avais juste une paire de jeans que j'ai lavé là-bas. Ne vous en faites pas que j'ai lavé une fois. Pourquoi? Parce que je suis allé en plein milieu de mon périple dans une petite soirée olé olé. Quelqu'un a renversé du porto sur mes pantalons. Et là, après que j'ai sucé le tissu jusqu'à la moelle du fil, oui, j'ai perdu le fil, moi, je ne viens plus. Là, je me suis réveillé, j'étais sans dessus-dessous, sans aucun sou le dessus, puis le dessus était plus dans le dessous. En fait, j'étais... j'ai dit « Où est Ève? » Pourquoi? Je suis Adam. Non, non, t'es pas Adam, t'es Rénal. Ben oui, Rénal, mais je suis habillé comme Adam. Oui, mais mets ta feuille. Oui, je n'ai que ma carte de membre de CKRL. Ben place-la là. Et là, j'avais ma carte de membre à la place où on peut pas. On peut, mais on peut pas. Oui, OK. Là, c'est une petite carte, moi, là. C'était beaucoup trop grand, cette petite carte-là, là-dessus, là. Ça cachait tout, on voyait rien. Pendant ce temps-là, on lavait mon pantalon, qui avait reçu du porto, et plein d'autres choses, que tout le monde est en train de sucer, quoi, là. J'ai dit, on manque-tu d'alcool? Il dit, non, on manque de savoir-vivre. Arrêtez donc. Nous marcherons ensemble, nous défrichons. Il y avait des soirées, là, et surtout les chanteuses. Ah! Les comédiens sont un peu plus sérieux dans leur démarche, mais les comédiens, là, les chanteuses. Hey, t'es quoi? Moi, là, c'est la chanteuse brébeuse. Bon, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change. Ce que tu voulais dire là-dedans, c'est que les comédiennes sont plus sages et les chanteuses plus disparates. C'est ça, disparates de mon chemin, toi, puis laisse-moi avec les chanteuses. Mmh. Les comédiens en me levant. Quoique, quand je me lève, c'est déjà le temps de se coucher. Alors, qui change les chapitres diégétiques? C'est moi, Rénal Gagné. Bon. Est-ce qu'on peut faire une ligne d'impro, s'il vous plaît? 42 minutes, c'est beau. Admettons que oui, je ne sais pas, Ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Chobikovski. On va la faire vite, celle-là. Ouvrons-lui un petit coin de bord très vite. Ça va passer comme le ciel. Dans le ciel, là, l'étoile filante. Ouvrons-lui un petit coin de barre. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase. Je suis obligé de me dire si c'est dans le ciel, c'est une étoile. Si c'est une étoile, puis ça va rapidement, c'est filant. Un filament de lumière. Comme dans mon cœur, asséché d'amour. Maman doux. Ouais, allez-y, monsieur le curé. Merci. La venue de l'éternel m'amena dans une ritournelle d'amour. Oh, mon Dieu! Laissons-le nous suggérer. Continuez pas. Oui, j'aimerais bien. Non, allez-y pas, arrêtez-là, puis couchez-le-là. Couchez-le-là! Couchez qui? Couchez-le-là! Bon, OK. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil. Contes et nouvelles. Bref. Cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Alors, l'antre, c'est celui-là. La première phrase, c'est « On habitait juste en face au parc de MacArthur, Linda et moi. » Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la veille, Linda m'a appris que sa sœur Lisa devait se joindre à nous. On habitait simplement un studio à New York, en haut des luminaires de Brackenbin. La grande boîte Brackenbinbin. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Brackenbinbin, c'était des soirées où tout pouvait se passer et ça se terminait chez nous, dans notre studio. On était 12. Souvent, on était 12, 15, 20. 22, c'était un peu tassé, là. Parce qu'on fonctionnait selon la sardine babine, c'est-à-dire une rangée de demoiselles, une rangée de monsieur, une rangée de demoiselles, une rangée de monsieur, et entre ça, de l'huile végétale pour pas coller. Comme ça, on pouvait se frictionner et on pouvait parler. On était là. Ouais, c'était excellent. Moi, le livre que j'ai lu d'Amélie Détombe, c'est, oh mon Dieu, c'était la catéchure des élèves. Oui, nous étions collés. La voix était peut-être un peu obstruée par la peau de l'autre. Mais si il n'y avait pas de compréhension, on pouvait lécher le prochain. L'autre disait, qu'est-ce que tu dis? OK, oui. Fait qu'on pouvait au moins communiquer avec celui qui était collé sur nous. Puis en arrière, on pouvait lâcher des petits coups de fesse. Pour là, ah oui, OK. Ah, c'est pas hier soir, ce spectacle-là. Ah, c'était merveilleux. Quand on sortait, on se laissait glisser vers la porte, un après l'autre, parce qu'à 22, 23, là, 23, c'était gros max, là. Glisser vers la porte, puis là, on se disait, la sardine, c'est quand même un produit extraordinaire. Hein? On fait de l'imitation, et comme disait M.C. Solard, là, vas-y, OK. L'imitation égale limitation. L'imitation, bien, limiter au niveau cérébral, oui. Lorsque tu imites, tu te limites. Ah, c'est merveilleux, le titre, c'est « Trois femmes ». Chaque dit en la voyant, bourrée de complexes, elle est dérangée. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Monsieur Hamon, je suis devant un personnage exceptionnel qui a fait la joie de plusieurs personnes, de plusieurs générations, oui. Générations, vous savez, j'ai 83 ans. Hein, alors donc, merveilleux. Et vous êtes en pleine forme. Pour un gars de mon âge, je touche du bois, c'est acceptable. Oui. C'est oui. C'est très acceptable. Mais on demande souvent quel est le secret de la longévité que vous... Pas de ma longévité, mais de ma forme. Alors, d'abord génétiquement, merci papa, merci maman. Ok. Si mon père et ma mère avaient pesé 130 kilos, il y aurait peu de chance que moi je... Bon. Est-ce qu'ils sont morts âgés? Oh, ma mère a eu un pépin, elle est morte d'un cancer du cerveau. Autrement, elle était d'une famille où on vit vieux. Oui, donc c'est génétique. Et votre père? Ah oui, il a vécu assez vieux, pourtant il a eu... connu bien des... Enfin, on va pas commencer à raconter l'histoire de famille. Non. Il a connu bien des tracas, bien des... Oui, ah oui. Oui, ça serait une longue histoire à raconter. Je la raconte d'ailleurs dans mon livre. J'ai un livre où je raconte ma vie. Qui est sorti il y a quelques... Oui. Sur le boulevard du temps qui passe. Où je raconte un peu tout ça. Il y a trois ans, je crois. Hein? Comment? Le livre a 2-3 ans. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je l'ai entendu sur France Inter, j'entends. Alors, donc, c'est génétique. Et ensuite, étant donné toutes les tentations, mes parents étaient paysans venus travailler à la ville. Moi, je suis né à la ville, à Bordeaux. Bon, mes parents étaient paysans. J'ai gardé ce vieux sens paysan qui consiste, et ça a l'air tout simple de se dire ça, t'es fabriqué comme tout le monde, t'as un foie, un cœur, deux reins, t'es pas même... Oui, Marcel! Oui, d'accord. Si j'avais autant bu, bouffé, baisé que j'en avais l'occasion, je serais mort. Ok. J'ai donc fait... Vieux la sens, modération. Vieux sens paysan. Fais gaffe. Oui, d'abord, vrai. Ça va peut-être pas durer, fais attention. Parce que, sans même parler de Gainsbourg et de quelques autres qui sont suicidés aux drogues douces, comme il disait... Oui. Beaucoup pensent parce qu'ils ont voilà que cette espèce, il est vrai qu'il faut avoir les pieds bien ancrés, bien enracinés. Ouais. Vous voyez tous ces gens qui vous traitent comme si vous étiez, mon Dieu, comme si vous étiez, si vous aviez en vous quelque chose de divin. Ouais. Alors vous n'êtes pas dit comme tout le monde. Oui, vous êtes un humain. Mais on essaie d'élever les vedettes en haut de tous les. Enfin, ce serait. J'ai eu beaucoup à raconter là-dessus. Ouais. C'est pas normal. Vous savez, c'est un peu gonflé quand même. Quand je vois d'où je viens, mon père et ma mère, paysans de la vallée d'Arche, avec toute une lignée de bergers. Et moi, maintenant, bon, tout ça c'est assez, mais à une époque, je prenais l'argent avec un aspirateur de se dire doucement. C'est un effort de tous les jours. Parce que quand vous avez. Toutes ces gonzesses, tout ça. Oui. Puis après, si vous en faites trop dans la simplicité, vous êtes combien là? 3000. Bon, vous fermez vos gueules pendant 2 heures, vous m'écoutez. Mais attendez, mais. C'est qui pas... sommes-nous pour. Oui, qui sommes-nous, mais si on le. Si on n'a si on pas, un... ouais. Si pas un petit quelque chose en plus, si on n'y croit pas du tout, ben, soyons employés au poste. À la il faut SNCF. L'effervescence, il faut la magie. La magie. Il faut... Alors il faut arriver à trouver l'équilibre entre les deux. Voilà, mes discussions philosophiques sont terminées. Non, mais c'est merveilleux, mais il en faut à tout moment. Vous êtes quoi? Vous êtes freelance ou vous êtes dans une radio? Moi, je suis une radio communautaire francophone, CKRL, qui est la plus vieille radio communautaire francophone au monde. Mmh. Et. Si vous préférez, c'est une radio associative. Donc, toutes les radios libres de la francophonie sont venues voir comment on faisait de la radio en 73 et ils ont recréé la même chose ici. Donc, ça vient de chez nous, comme bien des choses. Qui faisait de toi un con, un individu de la pire espèce qu'on fit comme la peste. Maintenant, si tu penses qu'on ne voit plus, qu'est-ce qui te pendait au cul? Si tu penses qu'aujourd'hui, on oublie toutes tes conneries. Tu te fous un doigt bien creux dans l'œil. On le porte encore le deuil. Ce n'est pas celui de ton absence. On subit encore ta délicat de ma peau de cracher sur un mort. Mais il peut comprendre que le démon sorte car il est sûrement à sa porte. Et tire qu'éternellement sous la rhubarbe. À gauche il portera son arme. L'ironie me fait rire dans ma barbe. Mais je ne suis point caché, mais là. Mais il n'y a pas de meilleur moment pour des larmes qu'un enterrement. Et je n'ai point besoin d'oignons. rien du fond de ton cercueil. Ce dernier couplet. Car il me faut marcher sur mon orgueil pour la paix se fait. Quand t'es parti au bras de la Camarde, je n'ai pas joué de mascarade. L'été franc, le pincement au cœur, même si mes pleurs n'étaient que moqueurs. J'ai quelque chose et sois-en fier. Depuis que tu n'es que poussière, je n'ai jamais pu trouver sur terre un meilleur adversaire. Cette semaine? Oh, Cette semaine, merci. Cette semaine, arrête-moi ça, là. Non, non, mais c'est mon ami. Freddy Della, lorsqu'il commence, il ne s'arrête pas et c'est tant mieux. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « auberge ». Auberge. Heureusement qu'il y a des auberges de jeunesse pour nous accueillir un peu partout sur la planète. C'est pas cher. C'est bien, c'est brillant, c'est intelligent. Les gens s'imaginent que auberge de jeunesse égale étudiant. Pas du tout. Il y a des auberges qui accueillent n'importe qui, puisqu'ils m'accueillent, moi, Renal Gagné. C'est n'importe qui, ça, là. Ça peut pas être autre chose que n'importe qui. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Ah, non. C'est de l'absurde. C'est n'importe quoi. Les gens, lorsqu'on comprend pas, là, on met ça dans la, dans le sommet, dans le tiroir du n'importe quoi. Faut pas trop ébranler le peuple. Le peuple aime pas ça d'être chambardé, chamboulé, remis en question. Faut pas revalser en eux des souvenirs ou des compréhensions qui les place d'une manière mal à l'aise sur l'échiquier de l'existence humaine. Au contraire, faut les rassurer, tout va bien. Tout va bien, là, 2012, décembre 2012 arrive, là. Tout va bien. On vous a préparé une belle fin du monde, je vous le dis. Ah, hey, en décembre, là, il y a Yolande, tu connais Yolande? C'est la préposée au punch. Pas lorsque vous pointez. Au punch, c'est la substance liquide que vous allez boire quelques minutes avant de trépasser dans l'eau de l'Oise pour la fin du monde. Parce qu'il faut quand même fêter ça, là. C'est la fin, c'est fini! Enfin! Tabarnouche! J'ai-tu oublié de mettre à jour, de placer ma carte de membre? Est-elle disposée à vivre en 2013? Moi, même si je sais que c'est la fin, je veux quand même encourager ses cohérents. Ma carte est-elle encore valide? Toi, t'étais... Oui, moi, je suis... Oui, au niveau intellectuel, je suis très invalide, moi, là. Ah, mon Dieu. J'ai pas... C'est quoi, ça? C'est une fuite. OK, au niveau du cervelet. Oh, on aime ça comme ça? Ben, pas moi, là. Je me sens un peu comme dans une auberge. Je me dis que je suis pas accepté partout. On me place si je peux, si je veux, si mon âge est coordonné. Non, non, pas du tout. Il y a des auberges. Attends un peu. Pas du tout. Excusez-moi, il y avait le micro qui était là. Vas-y, deux œufs. Deux œufs tournés, laitue mayonnaise, s'il vous plaît. Plus de mayonnaise que de laitue. Vas-tu lâcher la laitue mayonnaise? Moi, je ne vis que pour la laitue mayonnaise. Comme je l'ai dit, oui, en début d'émission, vous. Oui, je le sais. On a gardé l'enregistrement. Pas vrai. Parce que c'était fluide et nostalgique et d'un seul jet, comme de l'art, comment t'appelles ça? Pas de l'art brut, mais de l'art. De l'art. Ah, du lard, moi, c'est cuit. Oui, OK. Comme moi. Et moi, je suis resté 2 heures au soleil tout à l'heure, là, puis je sentais le cochon. Ah, oh, mon Dieu. Là, on m'a dit, monsieur. Monsieur Gagné, votre passeport. J'ai dit, ça, c'est du cochon, ça, là. Ah, oh, mon Dieu. Oui, j'ai mon passeport. Rita, t'as-tu mon passeport? Mon passeport? T'as-tu quelque chose qui va me faire passer par tous? Oui, mets de l'huile. Ah, j'ai mis de l'huile. J'ai glissé. Ah, mon. J'ai glissé dans l'obscurité pour arriver devant rien. Puis quand le rien t'accueille, là, c'est tout. Tu t'attends à rien. Tu dis c'est rien. C'est jamais rien devant le rien. C'est jamais. Il manque le rien. Parce qu'il sait que son nom est légitimité. Comment? Il est légitime. Ben oui, j'espère qu'il est légitime. Lui, le rien a passé aux douanes bien avant moi, lui. Là. Ben oui, parce que c'est pas difficile, lui. Vous avez quelque chose à déclarer? Rien. Vous êtes? Rien. Vous êtes allé? Rien. Oui, rien, rien, rien. Vous êtes allé dans? Rien. OK. Vous avez passé dans? Rien. Votre vie, c'est? Rien. Vous êtes un A? Rien. Okay. Non. Rien. De? Rien. Non, je ne regrette rien. Okay. Rien. Avez-vous un frère ici, monsieur? Rien. Oh, vous avez deux. Vous êtes deux? Rien. Deux rien, ça égale un? Rien. Quand il n'y a rien, il y a? Rien. Oh, vous avez le rien qui roule, vous. Avez-vous un autre rien? Rien. Avez-vous l'autre, le frère? Rien. Oh, j'aime bien celui-là. Mille après mille, je suis triste. Jour après jour, je m'en... Rien. Attendez, vous là, c'est pas votre temps, là. Jour après jour, je suis libre. Libre après libre, je m'ennuie. Rien. Nuit, c'est bon, mais vous êtes pas dans le bon rien, là. Vous êtes un bon à rien, monsieur. Rien. Saviez-vous ça, vous êtes un bon à rien? Rien. Ben oui. On dirait une grenouille. Êtes-vous une grenouille? Rien. Ben oui. C'est une. C'est oui. La batracienne batteuse. Rien. Êtes-vous la batracienne, monsieur? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est quoi, cette? Rien. Ben oui. On passe dans? Rien. Non. Rien. De. Rien. Non. Je ne regrette. Rien. Ni la vie, ni le mal. Donne-moi, ça m'a rien égal. Non. Rien. De. Rien. Non. Je ne regrette. Rien. Ah, c'est un grand succès, ça. C'est lent, c'est long, c'est pénible et c'est comme ça. C'est la vie. C'est beau, ça, de dire comme ça. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Avec Charles Trenet, la vie prend un visage. Un visage de quoi? Ben, un visage ricaneux, heureux, prêt à. Prêt à tout, prêt à. He was just a child, 45 years old, who traveled alone with his old grandmother. He was just a child, 45 years old, traveling alone in his grandma's fold. His beautiful beard, so curly and black, was the glory of his many relations. His beautiful beard, so curly and black, was the glory of his whole family clique. One day, he left on a big boat, thinking he'd land on a China's coast. But after 8 days, what surprise! Everyone heard his cry. Grandmama, it's New York, it's New York. I can see so many buildings. Grandmama, it's New York. I see all the boats in the port of New York. All the seagulls web hello in the sky. I can see the pretty seagulls. All the seagulls web hello. It's so wonderful that my heart's all aglow. Grandmama calm her boy with a little chocolate toy. But the child, feeling so good, yelled as loud as he could. Grandmama, it's New York, it's New York. I can see so many buildings. Grandmama, it's New York. I see all the boats in the port of New York. I see all the boats in the port of New York. As he was in the diplomatic corps, he was always on the most charming cruises. As he was in the diplomatic corps, he visited the foreign countries galore. He lived like this till he was 92. Always chaperoned by his old grandmother. He lived like this till he was 92, always under his grandmother's view. The day of his death, she was right there, pas folle la vieille, still giving him a chocolate éclair. But he, quite far gone on his way, could only gently say, Grandmama, it's New York, it's New York. I can see so many buildings. Grandmama, it's New York. I see all the boats in the port of New York. All the seagulls web hello in the sky. I can see the bright seagulls. Oh, all the seagulls web hello. It's so wonderful that my heart's all aglow after the cuckoo. When he got to the pearly gate, what did he see? The Empire State. Angels reading the Daily News. Other singing Manhattan Blues. See my boy, it's New York, It's New York, you can see so many buildings. Tim, my boy, it's New York. Look, there's a good Lord in the port of New York. Look, there's a good Lord in the port of New York. But the nice New York. Oui, vous savez, moi, c'est vrai, j'ai grande affection. Ça fait 30 ans que je suis pas revenu au Québec. Vous avez repris des chansons aussi québécoises. J'ai entendu. Le Rapide Blanc. Oui, le Rapide Blanc. Le Rapide Blanc, ça m'avait. Justement, ça avait été plus ou moins bien jugé. Certains intégristes québécois avaient dit ouais, mais ils se foutent de nous, toujours pareil. Ok, de notre gueule. Hein? Non. Ouais. Non. Est-ce que vous la chantiez en dehors du Québec aussi? Ah, bien sûr. Okay. C'est très amusant. Ok, oui. Ça va pas chercher midi 14, c'est pas Rimbaud. Non. Mais c'est du direct. Ça communique au prolétaire. Ça. D'abord, ça, la mère Bolduc. Oui. Dans les malingues, c'est une bébête. Très simple, mais très révélateur de ce que l'on est. Efficace. Oui. Et puis encore une fois, moi, mon âme de fils de paysan. Vous savez, chez moi, les gens des chansons en béarnais, c'est pas un beau non plus, mais ça fait danser le populo. Et ça leur fait oublier les moments difficiles oui. de la vie, c'est ça la chanson. Ils ont des trucs, ils dansent, mais je connais les paroles par cœur. Très salué la rue au saucisso, les choramis sur la coulée, tegedoum, pipété, rampetetum, pram. Et ça me rappelle les danses carrées, les machins. Ah oui. Vous savez, le folklore du monde entier se ressemble. Effectivement. C'est pour danser, c'est pour oublier. Oui. Vous avez travaillé avec Édith Piaf. Oui. Vous avez, comme Claude Léveillé, a travaillé avec Édith Piaf. Oui. Mais vous avez travaillé avant Claude Léveillé. Lui est arrivé dans les années 60. Moi, c'est 50. 56. Exactement. 56. Vous avez peut-être même croisé Claude Léveillé. Oui, mais c'est-à-dire, moi, j'étais très copain avec Gilles, je ne vois plus d'ailleurs depuis longtemps. De qui? Il m'a même écrit une chanson, Gilles Vigneault. M'a écrit une chanson pour traverser la rivière. Oui. C'est une magnifique chanson. Je connaissais, bon, il venait à la maison, tout ça, à Lison. Mais je ne le vois plus, il ne vient plus beaucoup, non? Ben, il est en tournée actuellement, il a 86 ans. 86. Oui. Ah, c'est ça, il a deux ans et demi de plus que moi. Et il fait des tournées annuelles à Paris. Il revient d'une tournée qui l'a amené un peu partout en France. Et vous avez également chanté du Nougaro. Ah, mais Nougaro, j'étais pas le premier, mais l'un la jazz des et la java. L'un des. Ah oui, mais j'ai chanté 10 chansons qu'on a écrites avec Nougaro. Oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas un bistrot, quand même, parce qu'on traîne un peu là. Ah, vous avez chaud? Non, vous ne voulez pas ouvrir la porte complètement. Oh, oui, pas de problème. Moi, mais si quelqu'un veut. Parfait, il n'y a pas de problème. Excellent. Qu'ils aillent se faire foutre. Hein. Oh. Non, mais il n'y a personne là. Ils ont qu'à payer, on va faire un péage. Oui. On y va quand vous voulez. Mais enfin, c'est bien d'avoir échangé un peu comme ça. Alors, oui. Parce que vous allez enregistrer. Ah, mais j'enregistre. C'est fait. On tourne. Ouais, je voulais vous dire. On tourne. Le Québec. C'est parti. Ah, mais je savais pas. Oh oui, tout est prêt. Heureusement que j'ai pas dit trop de conneries. Non, on coupe au montage. Il n'y a aucun problème. Faites-vous-en pas. Et vous avez travaillé avec Claude Nougaro. Vous avez au moins 10 chansons au début de votre carrière. Ben, c'est-à-dire, voilà. Claude, je l'ai aidé dans la mesure de mes moyens. Il avait des problèmes de subsistance, parce que c'était un. Il faut dire, il se cherchait, il me l'a dit d'ailleurs, combien de fois, il me dit je reviendrai pour rien au monde à mes 20 ans, moi non plus d'ailleurs, parce que je ne savais pas ce que j'allais devenir. Il avait un père prestigieux que j'ai vu chanter le premier de sa ville à Bordeaux quand j'étais étudiant. C'était un type qui avait une voix forte, un baryton, il faisait un Figaro et tant d'autres rôles, et il a été bercé là-dedans avec une mère pianiste. Seulement, comme les parents étaient toujours en tournée, lui, on mettait le monde en pension. Oui. Bon, il a fait des études très chaotiques. Je crois qu'il n'avait même pas son bac, mais enfin, il était bien plus lettré que bien des gens qui ont le baccalauréat. Oui, bon. Quelle belle écriture. Et donc, ce garçon, il ne voulait pas trop. Il tirait le diable par la queue. Ça se dit aussi, ça? Oui, c'est une expression francophone. Non, oui, on tire, nous aussi. On tire la queue, nous aussi, du diable régulièrement. Alors, il tirait le diable. Il n'osait pas demander à son père, parce qu'il avait demandé trop. Déjà, le père lui avait laissé l'appartement de la place des Ternes. Bon, mais demander tout le temps à papa, il avait sa dignité quand même. Et souvent, on l'a un peu aidé, on était quelques-uns. Et à cause de ça, et il ne savait pas ce qu'il allait devenir avec un père aussi prestigieux. On veut toujours. Dans l'ombre de son père. Ben, c'était Édith Piaf. On veut toujours essayer de faire mieux que papa. Ouais, et puis lui, il traînait la patte dans le barque. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et en chantant chanterelle. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et en chantant chanterelle. C'est en lisant qu'on devient liseron, et en jouant jouvencelle. C'est en lisant qu'on devient liseron, et en jouant jouvencelle. C'est en bossant qu'on devient bosseron, et en maniant manivelle. C'est en bossant qu'on devient bosseron, et en maniant manivelle. Il n'y a pas de sans métier, il n'y a que de sortes de gens, et dans la ronde des métiers, il faut avoir de l'autre genre. Il n'y a pas de sans métier, il n'y a que de sortes de gens, et dans la ronde des métiers, il faut avoir de l'autre genre. C'est en fonçant qu'on devient fonctionnaire et en formant formulaire. C'est en fonçant qu'on devient fonctionnaire et en formant formulaire. C'est en secouant qu'on devient secouriste et en se trompant trompettiste. C'est en secouant qu'on devient secouriste et en se trompant trompettiste. C'est en bouillant qu'on devient bouillabaisse et en pêchant pêcheresse. C'est en bouillant qu'on devient bouillabaisse et en pêchant pêcheresse. Trichant qu'on devient Richelieu et en se barbant barbe bleue. C'est en trichant qu'on devient Richelieu et en se barbant barbe bleue. C'est en freinant qu'on devient frénétique et en errant érotique. C'est en freinant qu'on devient frénétique et en errant érotique. C'est en ramant qu'on devient ramoneuse et en riant rimailleuse. C'est en ramant qu'on devient ramoneuse et en riant rimailleuse. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que de sortes de gens, et dans la ronde des métiers, il faut avoir de l'autre genre. Ma petite pépé descend l'escalier, pépite adorée, pépite adorée, paupières charbonnées, cœur carbonisé, tout pour la galerie, pour mon canard. Mon wagonnet, mineur détourné, je tire mon boulet, m'étant argenté, elle fait mine de rien, mais je perds la laine derrière ses petites seins, son acétylène. J'ai cédé ma cassette du côté d'Apajan. J'ai pas creusé assez profond. C'est un coup de grisou le pont de la Moncou. C'est un coup d'enfer à six pieds sous terre. Brad Scott. Brad Scott, que nous avons rencontré cette année à Errance Rénaldienne 2012 à Paris. À Paris, c'est comme la volonté, ça vous monte dans le nez, ça vous fait gabriller, ça vous fait marrer à Paris. Et l'été vous fait déconner, vous ramurez, c'est Paris, ça vous fait la bouse, ça vous fait à Paris. Et à Paris. C'est l'ennemi. Oui. Ah. D'accord. Oh, oui. Vous avez raison. Je déraisonne. Ben là, ça résonne, madame. Bon, ça. Donc. OK, c'est pas. Bon, c'est... Attention, Facebook veut manipuler vos informations. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça va bien. OK. Il dit que l'émission va se dérouler comme dans l'habitude. À l'habitude, on crève le micro. Ne crève-moi pas ça, ça m'a coûté 350 $, ce merveilleux micro. On l'embrasse. Bon. Ça arrive souvent que tu embrasses ton micro. Oui, mais après l'émission. Mais là, OK. Peux-tu frencher ton micro? Ça me gêne un petit peu. OK, non, mais vas-y. Non. Ouais, ben oui. OK. Alors, pour frencher un micro, c'est très simple. Vous prenez le micro. Oui. Vous prenez le micro. Et comme nous sommes de la langue française, oui, la langue qui se joue de toute responsabilité intellectuelle. Ah, ben voyons donc, tu veux dire que la langue française est loin d'être cartésienne. Attention, Facebook veut... Non, fait... Ah oui, vas-y, embrasse-le. Non, on veut... On peut pas. Non, il y a le... Comment tu l'appelles, donc? C'est l'abribus? Rien. Non, rien. Non, c'est pas monsieur Rien, c'est qui? C'est... Rien. Ah, lâche-moi le Rien, c'est monsieur, là. Attendez un petit peu, c'est ici. Ouais, hein? Monsieur Garnier, votre passeport. Oh, c'est Monsieur Passeport. Et quand Monsieur Passeport passe... Monsieur Passeport passe, oui. Monsieur Passeport passe souvent. Ben, depuis le début de l'émission, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus le faire passer? C'est de fermer la porte. Mais nous, individus intelligents... Oh, il est quelle heure? D'individu intelligent, on l'a compris, individu intelligent. Ben oui, ben c'est ce que j'ai dit. Sans mon avocat, sans mon avocate, sans ma vodka et à quatre pattes. Attention, Facebook veut manipuler vos informations. Qu'est-ce que tu dis là? Pour les. Non, mais ça, c'est la photographe qui m'a amené à la vodka. L'année dernière. Je peux pas la nommer. Ben, nomme-la. Ben, Marion. Allez, attention. Facebook veut manipuler vos informations. Fucking Rock. Revue, magazine français. Photographe française. Flash pour rock'n'roll, Fucking Rock, depuis quelques années. Rencontrez-moi. Photographe de Fucking Rock, l'année dernière. Prénom, Marianne. Adoration pour la vodka. Il n'y a pas de décodeur. Il y a une faveur. L'année prochaine, elle m'a dit, motte. J'ai dit, ah, tu vois, oui, je vais motte. Oh, mon Dieu, tu vas en quoi? En motte. OK. Mettons que je suis en motte. Oui. Et que je te place à l'extérieur du verre, oui. Et que je place à l'intérieur du verre, oui. Des glaçons, oui. Mais pas toi, tu n'es pas glaçon. Ah non, je suis de chaleur intense. Oui, monsieur. Attention, Facebook veut manipuler. Qu'est-ce que tu vas mettre dans après les glaçons? Des glaçons, puis des glaçons, puis des glaçons. Puis le garçon va boire les glaçons. Puis dans les glaçons, il y aura toujours des glaçons. Puis une petite goutte de Marion. Attention, Facebook, venez, qu'est-ce qu'il dit là? Ah, vous comprenez pas, vous avez pas le décodeur, vous voulez pas payer, monsieur Gauthier. Ah, mais moi, j'ai déjà subvenu à mes besoins intellectuels. Bon, OK, laissez-le de même. Alors, Facebook veut bien, il tente de manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce filargane narratif. La vie est une grande surprise. Pourquoi la mort n'en serait pas une plus grande? Et c'est de Vladimir Nabokov, extrait du journal Time, 1981. Petit, oui, ça va bien, vous? Ça va très bien. Et puis quoi? Petit. Oui, allez-y. Petit, oui, j'y vais. Eh bien, je vous laisse la place. J'ai pas compris. Non, c'est pourriez-vous. Si je peux répéter? S'il vous plaît. OK. La vie, merci de me l'avoir demandé. Mais je te demande depuis tout à l'heure, mais je ne comprends pas. Ben, je comprends que le français, mais les gens qui tentent de me discourir dans cette langue-là, je suis réceptif. Merci beaucoup, Monsieur Bocuse. OK. Non, mais c'est Monsieur Gagné. Monsieur Bocuse. OK. La vie est une grande surprise. Pourquoi la mort n'en serait pas une plus grande? C'est de Vladimir Nabokov, extrait du journal Time, 1981. Si on oublie Nabokov, parce que c'était un être... Comment te dire adieu sans me donner à ton cœur? Non, Nabokov était... C'est quoi ça? C'est un pi bémol dans une Macédoine. Ah, mon Dieu, ça joue... Ça le patauge dans le jus de légumes. Ah, mon Dieu! Alors, si on oublie le personnage Nabokov, qui était pas très gentil, parce que là, je viens de me voir en gros plan, c'est bien trop gros, cette affaire-là. Les gens vont me voir à la TV, ils voient les lunettes, ils voient la mouche qui passe, ils voient le gars qui parle. Mais c'est ça de la radio. Ben, merci. Alors, donc, c'est ça, je me suis surpris à me voir. Donc, ça fait peur. Je dois pas trop me regarder parce que ça me traumatise. Quand ça me traumatise, ça me fait glisser. Glisser dans quoi? Ah, dans l'absurdité de ma vie et surtout de mon apparence. Mais c'est pas là le but. Le but, c'est Nabokov. C'est un personnage qui est hautain, qui est prétentieux, qui est péteux de broue, comme on dit chez nous. Un péteux de broue. C'est un être extraordinaire lorsqu'on lit ses œuvres, mais il ne faut pas trop s'intéresser à l'écrivain, derrière l'écrivain. Mais il dit que la vie est une grande surprise, c'est vrai. Même lui a été sans doute subjugué par son talent propre lorsqu'il a écrit l'œuvre la plus connue, Lolita. Mais moi, j'ai lu Le Dard. Il était très tard quand j'ai lu Le Dard. Quand même un livre de 450 pages. Que j'avais léché un, parce que je me suis dit, c'est l'auteur de Nabokov. Non, c'est qui? C'est l'auteur de Lolita. Oui, ben Nabokov. Oui, mais je pensais pas que c'était l'auteur de Nabokov lui-même. Ben non, c'est sa mère qui est l'auteur de Nabokov. Oui. Et son père? Ah, son père, c'était lui par n'importe quel homme, là, se laisse aller dans la création. Mais c'est la femme qui amène et qui élève. Le créateur, ah, mon Dieu. L'être. Oui. OK. Alors donc, je vais lécher Nabokov pendant bien des années, intellectuellement parlant, là, dans ma vie, dans ma tourmente créative. Ah, mon Dieu. Et là, je me suis dit, Nabokov m'a dit, la vie est une grande surprise, pourquoi la mort ne serait pas une plus grande? Pourquoi pas? Parce que si on se dit que la mort, c'est plus petit que la vie... Il n'y a pas de motivation à mourir. Il faut se donner de l'élan, puis il faut se réconforter, puis il faut s'encourager. Hey, la mort, c'est merveilleux. Il y a quelque chose d'extraordinaire après. C'est pas ma vision à moi. La mienne, c'est... Les rideaux se ferment. C'est après un spectacle de Gilbert Bécaud. Là, c'est... Plus rien. Comme un spectacle de Marcel Hamon. Plus rien après. Quoique Marcel Hamon, après son concert, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va manger, il s'en va fêter sa prestation. Donc, on doit fêter notre existence avant la mort. Lui a la chance de faire plusieurs petites morts, comme des artistes, une multitude de créateurs font des petites morts. Même nous, inconsciemment, là, je vous le place dans un niveau conscient, malheureusement. Là, c'était pas mon but en ce beau 31 août 2012. Mais c'est ça. L'existence est remplie de petites morts qui sont plus grandes parce qu'on se révèle après, on se dit « Hey, je suis ressuscité! » Donc, créons quelque chose de plus fort avant d'être face à rien, face au trou, face au gouffre. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres, creux des reins, et tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours et la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, mais le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent l'emportera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies, et mon tapis volant dit, le vent l'emportera, tout disparaîtra, mais le vent le portera. Ce qui peut frapper à ta porte, infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. À moi, je ne sais plus comment, parce que moi ça marchait très fort, j'avais quelques longueurs après, mon Dieu, il a fait la route que l'on sait, il est devenu le grand Nougaro, mais il avait cette faculté, c'est ça qui était formidable, je dirais, il cherchait dans ses rêves lointains ou pas, en tout cas il n'en parlait pas, car je l'ai pris en première partie de mes spectacles, oui, effectivement, longtemps. Il n'en parlait pas, il s'y cherchait. Mais il était capable d'habiller sur mesure Philippe Clay, Marcel Amont, etc. Moi, j'ai des chansons de lui qui sont absolument pas faites pour quelqu'un d'autre que moi. Quand l'aurore paraît sur les toits, c'est moi qui balaye le palais du roi. Avec mon balai, mon plumeau, je nettoie, je balaye le palais de bas en haut. C'est l'histoire du balayeur. J'ai jamais entendu Nougaro chanter ça. Mais bien sûr que non. Ok. Il l'avait faite pour moi, c'était du sur mesure. Moi, je faisais le balayeur, je faisais la princesse, je faisais tout ça. blinde, le monsieur qui volait. Il m'avait envoyé un jour une chanson, le monsieur qui volait. Moi, je le connaissais quand j'avais 8 ans. Bon, le monsieur qui volait, j'en rêvais. C'est dommage, vraiment, ce monsieur, j'aimerais tellement faire comme lui. Point, sur le texte. Hein, genre. Ah oui. Et il s'envole. J'ai dit, mais pauvre con, mais comment il fait pour s'envoler? Et donc, j'avais trouvé tout un truc avec lui et tout ça. Mais il y a ça, le porte-plume, le tango des deux jumeaux. J'ai chanté 10 chansons en deux ans. Il n'y avait pas que moi, Philippe Clay. Oui, il avait lié aussi sur mesure Philippe Clay avec des chansons. Évidemment, il y avait toujours la patte poétique. À un moment donné, il y a la phrase. Vous savez, c'était pas que des vers de Mirliton. C'était déjà Nougaro. Oui. Mais lui, la petite fille, le cinéma, tout ça, c'était. C'était pas encore à l'ordre du jour de Claude Nougaro, de ce qui est devenu Claude Nougaro. Il l'était peut-être, mais il ne nous le disait pas. Et c'est vous qui l'avez peut-être encouragé à faire cavalier seul à... Non, on ne savait pas. Ok. On avait un auteur formidable qui avait des difficultés donc, pour joindre les deux bouts et qu'on aidait de temps en temps, qui le méritait bien. Vous savez, ça ne courait pas les rues, les auteurs capables. Moi, j'écris beaucoup de chansons, mais quand Brassens m'a apporté le chapeau de Mireille, je n'ai pas dit non, j'en veux pas, c'est pas moi qui l'ai écrite. Merci, Georges. Incroyable, de la même une belle chanson que j'ai réécoutée avant de voilà. partir. Ouais. Donc, quand un autre... Moi, je suis auteur-compositeur à l'occasion, mais je suis d'abord un interprète. Et quand j'entends le Rapide Blanc à Québec, je trouve, tiens, c'est marrant ça, je vais le chanter en essayant de faire l'accent québécois. Il n'y a pas de raison. Non. C'est pas moi qui l'ai écrite sur Oscar Tifo. Très bien. Ouais. Il y a des gens d'Aliens. Bon, très bien. Il y a des gens de rien qui... Et c'est ainsi que Nougaro a fait partie de ma panoplie de mon staff, on dirait aujourd'hui, quoi que vous n'aimez pas beaucoup non, les mots anglais. Exact. Vous comprenez le Québec, c'est bien ça. Vous comprenez le Québec. Mais vous avez raison, vous défendez une culture et une langue dans un océan d'anglophonie. Vous avez tout compris. Mais oui, mais bien sûr. Et vous, en France, vous n'avez aucun problème là-dessus, et malheureusement, vous en profitez beaucoup trop. Non, on n'en profite pas, on est en train de se faire phagocyter. Oui, on est en train de se faire bouffer. Et moi, je ne suis pas, debout, les deux, français, bleu, blanc, rouge, la patrie, tout ça, je m'en fous de ça. Je suis content d'être français, d'être de culture française et de vivre dans ce pays. On est mieux ici qu'à Kaboul, ça, où vous ne seriez pas aperçu. Moi, ça fait moins mal. Ça fait mal. Bon, alors, très bien, je suis content. Mais les Français se font bouffer. Ils se font bouffer, mais à tout moment. C'est vrai. Chapeau, mettre un lit et une poche. Chapeau blanc à l'Alfred Hitchcock. Pour saluer bien bas chacun de vos dix doigts. Vos dix doigts d'ébène sur les touches d'ivoire. Ces doigts qui m'entraînent par blanchi par noir dans les cordes d'un ring où ne montent les pings. Chapeau haut, maître Herbie & Co. Chapeau melon à l'île Tantalou. Votre île des Açores au corps qui chaloupe. Chez nous c'est un melon de forme ovale et long. Ballon de rugby sur l'ongle. Ding, ding, top. Chapeau cloche, Angelus and Bob. Carillon, nul besoin de coq. La musique n'est elle-même. Touche d'ivoire doit être peine. J'ai le melon qui chaloupe de la proue à la poupe.

L'autre jour, je regardais, il y avait une mission sur les îles. Les îles. Et vous voyez dans les îles, à travers les îles francophones. Et vous voyez Tahiti, Nouméa, la Nouvelle-Calédonie, tout ça. Après, toujours les îles françaises. On arrive à l'île de Saint, l'île de Noirmoutier, tout ça. I get my horse and incroyable. Mais quel est le connard terminé. D'illustrateur musical qui, ouais. Alors on va dire, ah, un chauvin. Mais non, je ne suis pas chauvin. Non. Mais ayant un minimum de respect. Pour... Oui. Ah, si c'est un truc. Mais vous savez, quand c'est. Si c'est à Nashville, il n'y a pas de problème. Mais si c'est. Ouais, mais c'est même vrai. si j'ai rien quand on. Moi, Dieu sait si j'ai. Les chanteurs que j'ai préférés au monde, ce sont des chanteurs anglophones. Okay. Frank Sinatra et Ella Fitzgerald. Ah oui. Bon. Dean Martin, peut-être aussi. Oui, tous ces gens-là. On n'a pas l'équivalent. Bon. Mais c'est pas pour ça que je dois me laisser bouffer par des gens qui ont du talent. Mais vous avez été aussi Claude François bien avant le temps avec les danseuses, avec. Oui, vous avez... c'est anecdotique, ça. Ben, c'est pas anecdotique parce que, en fait, on se souvient de Claude François, mais vous l'avez fait bien avant lui. Oui, je l'ai fait avant lui, mais pour dire la vérité, il l'a poussé à son maximum de perfection, il en a fait quelque chose de capital dans son tour. Alors que moi, c'était anecdotique dans mon tour de chant. Moi, c'était d'ailleurs pas. C'était des danseuses qui chantaient. J'avais préféré ça que des chanteuses qui dansent. Okay. Parce qu'une chanteuse qui danse, c'est pas toujours esthétiquement à la hauteur. Tandis qu'une danseuse qui chantait convenablement. On faisait des auditions avec mon chef d'orchestre. Bon, on avait pris 4 danseuses qui faisaient des chœurs. J'avais besoin de chœurs féminins. Et 3-4 fois dans mon tour de chant, elles dansaient avec moi. Et bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dans l'oreille d'un sourd. Oui. Mais bon, très bien, il a porté ça. En plus, il en a fait quelque chose de très bien, mais ça faisait partie intégrante de son tour. Est-ce que vous êtes un peu... Avez-vous connu Maurice Chevalier? Avez-vous... Oui, j'ai d'ailleurs des anecdotes incroyables avec Maurice Chevalier. Parce que vous avez un certain parallélisme, vous et Maurice Chevalier. Je m'inscris dans la tradition du vieux musical français que le monde... Bon, encore une fois, les grands crooners, les grands chanteurs américains, les grands showmen... Que ce soit Danny Kaye, que j'ai tellement incroyable. Aimé, ouais. Danny Kaye, Michael Jackson, tout ça, on n'a pas ça en France. Mais il y a quelque chose de très spécifique à la chanson française de France. Oui. Une façon d'aborder les sujets poétiques, amoureux. Voilà, Joe Dassin. Joe Dassin qui était américain, quand il avait chanté au marché aux puces, etc. Oui. Et les Américains disaient, How can you do a song with that? Quoi, c'est une chanson, c'est comment on pouvait faire une chanson avec ça? Mm-hmm. Eh bien, oui, et ça c'est assez français. C'est l'audace française. L'audace, non, l'angle particulière. Ne nous gargarisons pas du particulier de l'exception française, mais elle existe quand même. Oui. Il y a souvent une vue un peu particulière, un peu oblique sur certains sujets. Ça se traduit dans la chanson. Oui. Ça se traduit dans la chanson. Et donc je m'inscris dans cette tradition où je dis toujours. Parce que c'est là où j'ai eu la révélation. J'étais étudiant, puis après j'ai abandonné la fac. Je suis allé au conservatoire d'art dramatique. À quel endroit? À Bordeaux, toujours à Bordeaux. Je suis né à Bordeaux, j'ai vécu les 21 premières années de ma vie à Bordeaux. Et j'ai vu Yves Montand. Quoi? Moi j'entendais la radio chez moi, mes parents ne sortaient pas beaucoup, c'était des petites gens. Et j'ai dit, Yves Montand, quoi? On peut faire ça en 3 minutes, Battling Joe? Ah, incroyable. Gilles, c'était fantastique et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu. J'ai besoin de vacances. Bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu. Je m'embarque dans tes yeux. Bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu comme un ciel immense. Bleu, bleu, bleu, bleu, bleu. Et nous partons tous les deux. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc. Claque la toile. Blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc.